Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 489. Et c'est le dernier de la saison, hein, parce qu'après on va prendre des vacances bien méritées. Et pour finir en beauté, nous allons avoir dans une poignée de minutes un invité surprise. Nous allons avoir Alzon le Vigan. Non, c'est pas lui, c'est beaucoup mieux. Vous allez mais c'est voir. Pour une bonne nouvelle que nous suivons sur Génération Manga depuis pas mal de temps. Vous savez que c'est un projet qui nous tient à cœur et qui se concrétise pas plus tard que demain. Voilà. Et vous en saurez plus dans quelques minutes, ce qui permettra à Chris de fermer la fenêtre puisqu'on entend tout ce qui se passe dehors. Fait chaud dans les studios, Il fait une chaleur atroce et vous comprendrez pour ça qu'on va partir en vacances pour se rafraîchir parce que vraiment c'est totalement intenable. Et donc pour commencer, on va quand même pas perdre les bonnes habitudes, on va s'écouter le petit collector de la semaine. Alors, le collecteur de la semaine, en fait, est issu d'un CD de 1992 par rapport au Disney Club. Vous rappelez du Disney Club, Disney Para, tout ça. C'était le matin sur TF1. Et dans ce Disney Club, on avait plein de dessins animés, dont les Goomies, nanana. Et donc, le générique était chanté par Douchka à l'époque. Mais sur ce CD, donc, qui est sorti en 92, il y a d'autres versions des génériques qu'on ne connaît pas. C'est des petites curiosités, des petits collectors. Et ben là, c'est donc une chanson des Goomies en français, mais ni chantée par Douchka, ni avec les mêmes paroles. Donc c'est l'exclusivité du jour et on se retrouve juste après ça. C'est parti, mon kiki. Joyeux et radieux, intrépides et fougueux, hardis et loyaux, ainsi nos héros dansent dans la forêt comme des feux follets, chantant en cœur de joie et de bonheur. Les Goomies, bondissant de colline en vallée, traversant aventure et danger, nos amis les Goomies. Magie et mystère pour font la paire et fiers de leurs secrets, ils font leur goomivoise. C'est leur potion magique. Les ennemis du droit ne feront pas la loi car les Goomies sont là. And care, faithful and friendly with stories to share. All through the forest they sing out in chorus, marching along as their song fills the air. Gummy bears bouncing here and there and everywhere. High adventure that's beyond compare. They are the gummy bears. Magic and mystery are part of their history, along with the secret of gummy berry juice. Their legend is growing, they take pride in knowing the fight for what's right in whatever they do. Gummy bears bouncing here and there and everywhere. High adventure that's beyond compare. They are the gummy bears. They are the gummy bears. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles versions? Donc, après, on a entendu la VO, bien sûr, pour pouvoir comparer. Elle est plus proche de la VO. Mais bon, rien ne vaut Douchka, quoi, moi je dis. Hein. C'est le nostalgique qui parle. Non, mais même, je veux dire, c'est toujours mieux, drôle et mignon avec leur chapeau à plumes. Et donc, tu disais, on peut retrouver ce générique, par exemple, sur le fameux CD. Voilà, c'est sur un fameux CD de 92, donc qui s'appelle Disney Parade ou Disney Club, je ne sais pas, parce que je ne le possède pas. Pour vous rappeler quand même ce que ça pouvait donner la version Douchka, on va se l'écouter en attendant d'avoir notre invité, Alzon le Vigan. Et c'est pas lui. Une version live, s'il vous plaît. Alzon le Vigan, c'est quand on ne veut pas dire le nom, en fait. Allez. C'est parti. L'invité mystère. Eh oui. Moi je sais où sont les ours et les oursons. C'est la forêt, leur maison, leur adresse. Ils vont trembler les géants et les dragons. Nous allons avoir les Goomies, nanana, notre invité au téléphone. Est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô. Attends. Allô? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Allô, allô, allô. Apparemment, on a un petit souci. Alors, attendez que j'essaie de régler ça. Allô, allô? Allô, allô, allô? Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ça aurait été trop beau. Bon, en attendant que notre invité soit en ligne, on va essayer de vous arranger ça, les enfants. Hein. On va parler rapidement de... Oui, si tu pouvais couper, par contre, le petit bruit derrière. Oui, parce que c'est assez pénible. Voilà, donc on va parler rapidement des échos de la Japan Expo qui avait lieu donc, la semaine dernière, de jeudi à dimanche. Donc, vous avez eu bien chaud, apparemment, donc à cette Japan Expo. Pas mal de couacs au niveau de l'organisation. C'était pas forcément tip-top. Apparemment, des problèmes concernant les dédicaces, par exemple, des horaires non respectés, des lieux, bah, c'était un endroit, puis finalement c'était ailleurs sur le stand de l'éditeur. Bref, vous avez pas mal galéré, des problèmes aussi pour les concerts, deux concerts qui s'enchaînent le temps que les gens sortent pour revoir le deuxième parce qu'ils étaient obligés de ressortir et louper le début. Enfin bref, beaucoup de gens mécontents, donc c'était pas tip-top cette Japan cette année apparemment. Est-ce que tu as eu des échos, toi, de ton côté ? Cher ami Eddy, voilà les. Ah bah, moi, j'ai surtout l'écho que le Soul of Gold du Lyon était en vente le premier jour à 119 euros, sachant qu'il est sold out depuis pas mal de temps sur Internet, donc il n'y en avait plus. Donc les gens étaient bien contents d'avoir un Lyon à pas cher en plus, parce qu'il était à 150 hein, à peu près sur Internet quand on pouvait l'avoir. Mais bon, voilà, ça a été vite fini, hein, au bout de la première journée, c'était terminé. Alors, il paraît qu'il y avait un des acteurs de Sentai qui a joué dans Tokyuger et Ninninger qui était présent apparemment dans les couloirs, donc pas officiellement, mais qui était quand même là. Apparemment, j'ai un contact qui s'est pris en photo avec, donc la preuve est faite qu'il devait bien être là, hein, ma foi. Puis sinon, pas trop d'écho par rapport au reste. Hein, Japan Expo, c'est toujours un petit peu le même cinéma, c'est un peu toujours pareil, hein, ma foi. Donc, voilà, donc ceux qui y étaient ont sûrement crevé de chaud. Et puis voilà quoi. Alors on va essayer désespérément d'avoir notre ami Rui au téléphone. Eh oui, c'est le matos a chaud aussi, hein. ça peut arriver, hein. Donc on fait un peu 50 milliards de choses en même temps, c'est compliqué là. Donc bon, sachez bien entendu que si on là, c'est bien entendu pour parler de 30 ans et demi qui va être de retour donc demain. En presse, enfin ! Et donc, nous allons essayer d'avoir tous les détails directement à la source, si je puis dire, dès que nous aurons réussi à faire marcher ces années enfin ! Alors, est-ce que nous y arrivons ? Est-ce que nous pouvons ? Ou sinon, peut-être tu peux essayer de lui demander de nous rappeler. Peut-être, si jamais ça ne fonctionne pas, il y a toujours des solutions alternatives, ma foi, pour arriver à nos fins. Car nous y arriverons. En attendant, je vais peut-être vous mettre le générique de Dragon Ball Super, parce que ça a commencé Dragon Ball Super hier, je crois, ou avant-hier au Japon. Donc ça y est, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le premier épisode. Et donc ça donne ça... ah non, ça donne pas ça, parce que ça ne marche pas. Décidément, c'est partout pareil. Je ne sais pas ce qui se passe. Allô, allô, allô, allô, allô, allô. Allô, allô, allô, allô, allô, allô. Ah oui, attends. Allô ? Oui, c'est bon, tu nous entends là ? Oui, je vous entends. Eh ben c'est parfait, on est à l'antenne, on a un petit souci technique, hein, tu sais ce que c'est, la chaleur, tout ça. Ça doit jouer, oui, voilà. Bah, nous sommes liquéfiés nous aussi, donc je crois qu'on est tous pareils là. Alors, vraiment ravi d'accueillir ce soir notre ami Rui. Par contre, si vous pouvez parler un peu plus fort, ça serait bien, parce que la réception est un petit peu compliquée. Ah, donc il va falloir mettre un petit peu de volume, ami technicien. Ah bah, je sais pas si tu peux venir me donner un coup de main pour ça, parce que je me tromperai peut-être de bouton, moi. Voilà. Ah là, mais je suis direct, hein. C'est merveilleux. J'ai bien connu ça. Ouais, c'est une horreur, hein. C'est à ce niveau-là. C'est... Attends, je crois que je peux peut-être faire quelque chose avec ça. Tu me dis si tu m'entends mieux là. Tu m'entends mieux là ? C'est super là. Ah bah alors c'est parfait, je suis trop fort. C'est parfait, donc comme je le disais, nous sommes ravis de t'accueillir à nouveau dans l'émission Génération Manga pour parler de ton actualité. Donc pour les auditeurs, les fidèles auditeurs de l'émission, ils connaissent déjà donc un petit peu ton parcours, notamment le fameux livre sur les cités d'or dont on a parlé à l'époque. Oui, et avec moult toi, articles dans moult magazines. Divers articles dans Animeland, etc. Mm-hmm. Non. Mais au cas où il y aurait de nouveaux auditeurs qui nous rejoindraient, est-ce que tu peux rapidement nous résumer ton cursus? Voilà. Ton cursus, voilà. Allô, allô? Oui. On veut ton pédigré. J'ai pas entendu le dernier mot. Ça va être compliqué. Ah bon, le dernier mot. Est-ce que tu peux... C'est une présentation? Voilà, rapidement comme ça, te représenter éventuellement pour les nouveaux auditeurs, s'il y en a, bien sûr. Évidemment, il y a aussi des gens qui ne nous connaissent pas, et heureusement, et beaucoup, on n'a pas cette prétention. Rapidement, comme vous l'avez expliqué, je viens de la Rui Pasquale, donc c'est mon nom, mon prénom. Je viens de la presse spécialisée à la base. J'ai travaillé, je continue de travailler. J'ai la chance, dirais-je même, de travailler pour une revue qui a bonne presse, c'est le cas de le dire, qui s'appelle Animeland, donc depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et pour résumer, j'ai effectivement écrit sur d'autres revues autour de la culture geek, du manga, un peu de cinéma, voire parfois d'autres magazines, disons, dans un truc un peu plus l'esprit people, etc., où j'ai vendu des interviews de personnalités pour pas non plus m'enfermer, parce qu'il faut bien manger aussi. Et effectivement, il y a ce livre des Mystères des Cités d'Or que j'ai co-signé. Je ne vais pas m'attribuer seul le travail, c'était avec mon collègue et ami Gilles Broche de l'association Les Enfants du Soleil. Et pour résumer, nous est venue l'idée, après plusieurs années d'expérience dans la presse écrite spécialisée, mais aussi un peu grand public, de réunir une équipe de journalistes de divers horizons. J'ai envie de préciser, de journalistes passionnés quand même, c'est important. Et donc ça s'est fait naturellement, et on s'est battu, disons, d'abord avec les éditeurs pour proposer un magazine pour les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Il y avait déjà des magazines geek, etc., dans l'esprit, mais il n'y avait pas vraiment, entre guillemets, de magazine qui réunissait ainsi toutes ces rubriques avec un ton décalé, et pas exclusivement ou uniquement pour une niche et qu'on respecte de geek, mais quelque chose d'un peu plus geek, entre guillemets, et grand public, et grand enfant en général, pour être un petit peu moins enfermant, ce qui n'empêche pas de proposer des sujets, disons, plus underground, et des sujets plus grand public. C'était le pari, parce qu'on avait envie de faire différent. De là, on a fini par trouver un éditeur, mais ça a été un bordel pas possible, parce que pendant des mois, sous la neige, la pluie a tapé à toutes les portes, là... Ça a été très très dur parce que le marché de la presse étant ce qu'il est avec la crise d'Internet, la presse papier gratuite, etc. Ça fait un peu syndrome Calimero ce que je dis, mais je suis pas le seul, hein, on est plusieurs. Ça aide pas du tout. Donc du coup, encore plus difficile de signer. On a fini par y arriver après 2-3 ans sans relâche parce qu'on est têtu, parce que je suis têtu. Et quand j'ai mis les derrière la tête, je l'ai pas ailleurs. On va essayer de rester poli. Et donc, on a fini par y arriver. Voilà. Donc, on a lancé ce magazine. Et contrairement à ce que beaucoup, ont cru, ce n'est pas tant parce qu'il n'a pas fonctionné ou pas si fonctionné que ça que le magazine, à un moment donné, a changé de vie, de tête, de forme. Et à muter, j'ai envie de dire, c'est surtout parce que on a eu des choses qui arrivent, des petites divergences d'avis avec notre éditeur. On voulait davantage le contrôler, on avait peut-être d'autres idées en tête. Il fonctionnait très bien. Disons que je le remercie dans le sens où il nous a donné ce qu'on appelle un coup de pouce, un élan pour qu'on puisse aller de l'avant. Et donc du coup, c'est vrai, je comprends que les gens ont attendu longtemps. Ça, c'est le point important. Je veux remercier absolument, mais vraiment. Alors je ne peux pas sortir toute la liste là, on l'a mis sur le magazine, on l'a mis sur Facebook, mais vraiment du fond du cœur, je veux remercier donc toutes les personnes qui nous ont aidés, parce que c'était un combat ensemble, c'est pour vous qu'on le fait, c'est c'est aussi un peu pour nous quand même, hein. Enfin, dans le sens où c'est un magazine de passionnés, pour des passionnés, c'est pas le fric qui prime, qui compte avant tout. Je sais qu'on est dans une ère du fric, etc. Bon, évidemment, on a du mal à le trouver, ce mot du fric en ce moment, moins pour certains. Mais voilà, sans démago, c'est vraiment avec le cœur. Bien sûr qu'il en faut aussi, parce qu'il faut bien qu'on en bouffe, on peut pas faire ça à vitam aeternam, pardon, bénévolement. Mais donc voilà, c'est pour ça que ça a mis, comment dirais-je, deux ans, près de deux ans, je ne sais plus exactement, plusieurs mois, parce que pour pouvoir mieux le contrôler, le faire vraiment comme on l'entend, avec notre état d'esprit, et essayer sans prétention de proposer quelque chose de qualitatif, je l'espère du moins, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, j'en suis bien conscient, aux gens, on a donc relancé la machine, mais pour cela, il a fallu que je crée une société d'édition. Heureusement que tous mes collègues m'ont épaulé aussi, parce que c'est quand même quelque chose à laquelle on réfléchit à deux fois, c'est pas facile. Je savais déjà pertinemment qu'en créant une boîte, ce serait bien long, bien chiant, bien tout ce qu'il faut, parce que je vois très bien comment fonctionne le système administratif, qui est passionnant, je l'adore, c'est ironique bien évidemment, mais on n'a rien sans rien, et je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc je savais que je partais sur des tonnes et des tonnes de paperasse. Je n'irai pas jusqu'à dire, je me pose la question, parce que je suis devenu, entre guillemets, c'est un bien grand mot, parce qu'on n'y est pas, et rien n'est fait, on ne sait même pas si on ne va pas se gameler, si ça va marcher, rien n'est acquis. Mais est-ce que de devenir patron, je l'ai fait presque malgré moi, des fois je me pose un peu la question. Je ne sais pas si c'est mon truc de vouloir diriger forcément, mais en tout cas c'était plutôt dans l'idée, plus que de parler de direction, d'hierarchie, ça c'est le truc qui m'emmerde un peu, c'était plutôt d'avoir une cohésion et avoir une équipe où on va dans la même direction. C'est pas de parler au nom de moi qui m'intéresse, mais de parler au nom de tous ensemble et de réussir, on était dans la même direction, on avait envie de ça. Donc il se trouve qu'à un moment donné, bah, il faut bien qu'il y ait une personne qui catalyse un petit peu, qui réunit tout ça, et j'étais donc cette personne a priori à ce moment-là. Et puis c'est vrai que l'idée, ben, je l'ai eue au départ, donc ça semblait assez naturel, donc il a fallu prendre des risques, et je sais que ça a été fastidieux. Enfin là je viens de parler beaucoup, c'est mon Dieu, au secours. Mais merci les contributeurs avant tout. Voilà, parce qu'il faut le rappeler, donc pour mener à bien ce projet, il y a eu un financement participatif donc, pour le projet. Parce que Christophe a une petite voix en même temps. Mais du tout, ah, là, c'est mieux. Qu'il est médisant, tu es médisant. Moi, il m'entend. Là, tout va bien. Ouais, j'ai augmenté son micro, c'est pour ça. Ah voilà, il triche en plus en cabine, là-bas, technique. Non, je t'ai augmenté le micro par rapport à la truc normale. Allez, donc, vas-y. Demain, donc, comme annoncé, c'est donc le grand jour, hein. C'est donc la sortie de la nouvelle formule de 30 ans et demi. Donc, sans dévoiler tout, pour ne pas donc, citer toutes les surprises qu'on va pouvoir avoir à la lecture de ce magazine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui nous attend pour cette nouvelle édition? Oui, un peu plus que ce qu'on a mis sur Internet. Donc, mais juste avant toute chose, on va le dévoiler, je voudrais quand même m'excuser très sincèrement auprès, donc ça c'est important, je ne voulais vraiment pas l'oublier, des nombreux contributeurs qui dès septembre 2014 nous ont énormément soutenus sur le Ulu, parce que le rêve a pu devenir possible, entre guillemets, grâce à eux. Bon, aussi avec nos efforts, notre travail, ça va de soi, mais c'est surtout à eux, à vous aussi, que je le dédie, vous nous avez toujours soutenus depuis le départ, c'est extrêmement touchant, parce que vous le savez, on connaît tout ça, des moments où on a envie de lâcher l'affaire, et Dieu sait que mille fois, pour le dire franchement, j'ai voulu jeter l'éponge. Heureusement, je remercie aussi toute mon équipe qui m'a soutenu, j'insiste bien, ça va peut-être faire sourire dans tous les sens du terme, même les moments où je suis un peu plus ou nerveux, ou ceci ou cela, c'est pas simple, faut réussir à prendre du recul, parce que finalement on devient l'interface, donc l'interface entre ce public qui attend, et ce qui est normal, qui attend quelque chose de légitime, le magazine qu'ils ont envie de voir, qui attend aussi parce que bah, ils ont investi, donc comme ils ont investi, c'est normal, c'est leur argent, on leur doit, on n'est pas là pour voler les gens, absolument pas, c'est pas du tout la logique de la maison, donc forcément c'est non. L'interface avec les gens donc de l'équipe, avec les professionnels de l'extérieur, les investisseurs pubs qui sont de moins en moins nombreux avec la crise de la presse et qui investissent à un moment précis. Donc je vous cache pas qu'on a dû décaler plusieurs fois la sortie du magazine, parce que quand ça veut investir, et quand on trouve enfin ces investissements, c'est tel mois et tel moment et pas un autre, donc du coup, il a fallu refaire des maquettes 1000 fois. Je vous parle même pas de toutes les paperasses pendant des mois, on n'est pas là pour ça, où c'est extrêmement long. J'insiste, une petite parenthèse, c'est pas tant pour me faire plaindre, c'est pas ça qui est intéressant dans l'absolu, ça a été chiant, mais c'est pas chiant plus pour moi que pour quelqu'un d'autre, c'est la vie, on décide de monter une boîte, on assume, ça fait partie du jeu. C'est pas tellement ça, que, je le précise, parce qu'il peut y avoir aussi des malentendus, j'ai vu des commentaires, des gens qui râlent, mais à juste titre aussi, mais comme ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de l'autre côté de la barrière, forcément, ils voient pas tout cela. Donc je voudrais vraiment m'excuser auprès d'eux, c'est pas du mépris. C'est pas de on n'en a rien à faire, ou on pense qu'à nous, ou c'est qu'on veut se faire du fric et on se casse. Rien à voir avec tout ça, on est vraiment sincère là-dessus, sincèrement, vraiment. Ça a été très long, et comme les papiers, tout ça, c'est très très long. En même temps, on est une petite équipe, donc forcément, moi je me retrouve avec... parce que là, ce qui a changé, c'est que j'étais rédacteur, maintenant je suis rédacteur, directeur publication, gère un peu la compta, l'administratif, c'est mille trucs. Bon, on m'aide aussi, donc c'est à moi de m'organiser, et qu'on puisse aussi m'épauler. Et comme vous le savez, au départ, on peut pas avoir, sinon c'est une usine à gaz, une formule où on a 1 milliard de personnes, surtout quand on se rémunère pas encore, ou qu'on s'apprête à pouvoir être rémunéré, on l'espère, si ça fonctionne. Donc c'est complexe. Tout ça fait qu'on a encore moins de temps que d'habitude. Donc, je voudrais pas qu'ils croient que, genre, on n'est pas sans secondaire, ou qu'on en a rien à faire. Absolument pas, c'est pas de l'irrespect. On va essayer de tout faire pour compenser tout cela. En même temps, il y a eu la Japan Expo, il y a eu tous ces éléments-là récemment. Donc on est en contact avec les éditeurs, mais tout le temps, les mois aussi qu'on a à contacter les éditeurs, les gens qui font la BD, etc., c'est très très long, fastidieux. Les contreparties sont très nombreuses, on s'amuse dans les tableaux. Donc tout ça prend énormément de temps. On a eu les décalages, les problèmes de fric n'aidant pas non plus, puisque même si le participatif, finalement, on l'a gagné au fil du rasoir, pour vous dire la vérité, pour être tout à fait honnête, donc on ne s'en plaint pas, on aurait demandé plus, on serait planté. De toute façon, on aurait sans doute perdu. Ça a déjà été un miracle qu'on gagne. Mais ce que les gens ou les lecteurs, et on n'aime pas trop parler de ce genre de choses, ne savent pas forcément, c'est qu'en fait, il manquait encore beaucoup d'argent. Donc ça aussi, c'est un autre problème. J'avais pas envie de les embêter ou qu'on embête les gens avec ce genre de trucs personnels. C'est emmerdant, c'est pas très intéressant, les trucs techniques, argent, etc. On est là pour parler des séries qu'on a aimées ou qu'on aime encore et pas parler de ce genre de choses. Donc j'insiste quand même là-dessus, et aussi parce qu'on est extrêmement épuisé dans l'équipe et qu'on a besoin aussi un peu de vacances. Il faut nous comprendre, on est humain, on ne vit pas des machines non plus. On reviendra. On n'oublie personne, on va en prendre bientôt, on guettera un petit peu tout ça. Ça va être un peu plus long pour les contreparties, c'est ce qui est un peu embêtant, oui, effectivement, parce qu'il aurait fallu tout envoyer idéalement au moment où le magazine sort. On n'a pas réussi à être synchrone, surtout parce qu'on a connu beaucoup de barrières, beaucoup de problèmes, y compris d'ordre administratif. C'était très très long aussi pour créer cette boîte, tout n'est pas venu en temps et en heure, ça a été fastidieux, horriblement fastidieux, l'administratif. Donc tout ça n'ayant pas aidé, c'est pas pour se faire plaindre, mais c'est pour expliquer que vraiment... plus le fait aussi qu'avant la Japan Expo, tous les éditeurs, les gens de la BD, etc., sont très pris aussi. On n'aurait pas pu le traiter plus tôt. Alors évidemment, on peut le traiter plus en amont, mais comme je dis, on avait mis le chat à fouetter. Et comment dirais-je, surtout, c'est un bloc qu'on doit envoyer. Il y a les magazines, plus les contreparties. Alors on peut toujours dire, oui, on peut envoyer les magazines d'abord et tout, mais il y a une réalité qui est économique. Hein, je ne manie pas la langue de bois aussi. Plus on fait d'envoi, on a une certaine ardoise qu'on ne peut pas dépasser. Et au bout d'un moment, ça sort de la poche, j'ai envie de dire, ça dépasse les choses de la boîte, donc ça c'est très personnel. Mais quand moi-même j'ai investi énormément déjà tout mon propre argent, plus que possible, où je me suis limite ruiné sur ce projet que j'ai fait du fond du cœur, parce que j'avais pas envie de lâcher l'affaire, je me disais que c'était encore possible, à un moment je peux pas l'épuiser pour loin. Donc je suis arrivé au bout de mes limites physiques, au bout de mes limites psychologiques, et au bout de mes limites financières, et j'y ai tout donné. Bon. Je suis pas encore tombé dans les pommes, mais voilà. C'est-à-dire que quand j'aime, je ne compte pas, et je suis sincère. Je tenais à le dire, c'est pas des magots, mais c'est très important. Donc, qu'on ne se méprenne pas, ça viendra, personne ne sera lésé, personne ne sera volé, tout le monde aura ses choses en temps et en heure. Je demande juste un peu de patience, et on demande un petit peu de vacances. C'est tout ce qu'on demande, mais on va essayer de faire en sorte que ça vous plaise. Voilà. Désolé, ça n'avait rien à voir avec la question, mais je tenais vraiment à le dire, parce que j'ai tellement entendu des trucs à droite à gauche, parfois blessants, et au bout d'un moment, on ne peut pas rester sans rien dire ou sans donner un minimum d'explications. Et je comprends et respecte les lecteurs de l'autre côté, les contributeurs, qui peuvent se dire, non, mais attends, c'est quoi ce foutage de gueule, etc. C'est pas un foutage de gueule, c'est complexe. C'est complexe, mais on va y arriver. On va y arriver, et merci encore à tous du fond du cœur. Donc du coup, j'ai pas répondu à la question. La mise au point est faite, donc message... Mais je tenais à le préciser, c'était vachement important parce qu'on a eu trop de polémiques là-dessus et je voulais vraiment casser une bonne fois pour toutes cette polémique. Voilà au moins les choses sont dites, donc amis détracteurs... Donc pour le contenu alors du magazine... Oui. Okay. Alors, sans dévoiler toutes les surprises, c'est ça ? Sans dévoiler toutes les surprises et tout ce qu'on peut avoir, parce qu'il faut quand même laisser le charme de la lecture, comme on dit. Alors, toujours vis-à-vis des lecteurs, et bienvenue aussi aux tout nouveaux qui arrivent, beaucoup ont manifesté leur intérêt pour Alexandre Astier, que je considère moi-même, que nous considérons, je pèse les mots, mais vraiment comme pour moi un génie, un mec qui a tout compris, fabuleux, talentueux, vraiment. Hein, je dis pas ça pour tout le monde, mais celui-là, en particulier, j'y pense. Et vraiment, et audacieux en plus, il n'y a pas peur de dire ce qu'il pense tout haut aussi. Ça plaît pas, mais c'est ainsi. Et en même temps, très respectueux de son public, des geeks, et très fin. Donc, et pour ça, et parce qu'on aime beaucoup nous-mêmes la saga, et parce que je trouve que c'est je sais pas si on peut dire un ambassadeur, je sais pas si le mot lui plairait, mais quelqu'un qui est en tout cas très apprécié du public geek ou des grands enfants, et même du public, même grand public en général, il arrive à fédérer. On s'est dit, ça faisait aussi 10 ans que la série était diffusée, les 10 ans arrivaient. Il y a cette question aussi sur le film, que les gens attendent depuis des années. J'ai eu la chance de le rencontrer personnellement, de l'interviewer, de le côtoyer. Et j'ai pu me rendre compte que malgré son statut, c'est un homme tout à fait sympa, instruit, accessible, humble. Enfin, j'étais littéralement bluffé, j'en doutais pas. De toute façon, pour réussir ce qu'il a fait, je pense qu'il faut l'être quand même, je crois. Et ça va de soi. Donc on a voulu faire la couve et tout pour valoriser ce qu'il fait, son travail, tout ça, et Kaamelott. En même temps, il y avait aussi le comment dirais-je. Donc on lui a posé aussi des questions bien sûr sur la série, le devenir, et aussi sur ses influences de la culture geek. Qu'est-ce qu'il aime en BD, jeux vidéo, en manga. On était curieux d'avoir, vous l'avez compris, l'angle de 30 ans et demi, pas faire une interview people pour people, entre guillemets, ou que sur la série, bien sûr, aussi sur la série, mais d'aller dans ses influences, hein, des choses un peu plus personnelles, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. En dehors de ça, il y avait le 15 octobre dernier, le 30e anniversaire de Ghibli, donc le studio, donc le fameux studio où sont sortis des films comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, La Piuta, Le Château dans le Ciel, Mon Voisin Totoro, bon bref, je ne vais pas faire toute la liste. Et là aussi, quand on a appris le départ à la retraite de Miyazaki, l'arrêt entre guillemets, hein, de production des films de Takahata, on s'est dit, et puis ils ont aussi un certain âge, qu'il était plus que temps et justifié aussi de leur rendre hommage, mais avant tout aussi parce qu'on aime ça, tout simplement. C'est pas, on aime ça, on avait envie de le mettre en avant, il y avait l'anniversaire et tout. Donc, du coup, entre le premier numéro 30 ans et le deuxième, là aussi, des choses ont un peu changé. J'espère que les gens apprécieront dans le bon sens. Les dossiers intérieurs ne font plus 11 pages, ils font le double, ils font 22 pages. Le magazine ne fait plus, je crois, mémoire 84 pages, il en fait 100 maintenant. Il n'est plus dos collé, mais il est agrafé. On a plutôt des bons... Enfin, agrafé. Piqué, dit-on. Ça sera peut-être un peu plus sympa comme terme. Et on a mis aussi pas mal d'interviews, d'autres ingrédients. Un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexis Talon, aussi, qui sort son manga Golem. Des sujets décalés comme Punky Brewster, par exemple, dont d'ailleurs le DVD sort cet été. La voix de Harrison Ford, Richard Darbois, qui a aussi doublé Albator, le génie dans Aladdin, Buzz l'éclair dans Toy Story, pour savoir un peu plus qui est ce monsieur de l'ombre, mais qui a une voix extraordinaire, un parcours absolument incroyable aussi. Nadia le secret de l'eau bleue pour l'anniversaire de la mort de Jules Verne, entre autres. Lou Schemer, dont le nom dit sans doute rien à presque personne, mais qui était le papa de Musclor, qui est mort il y a plusieurs mois. Bien connu des auditeurs, parce qu'on en parle souvent dans l'émission. Donc, De Filmation. Voilà, ça c'est bien ça. Ça, tu vois, je suis ravi, par voilà. exemple, de retrouver il y avait eu quelques sujet. Petits trucs, mais finalement, pas beaucoup de gens, ou dans des revues, on avait parlé, j'ai vu des petits encadrés, et là aussi, on n'est pas chez quelqu'un avec quelqu'un de super connu, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que lui aussi a fait des belles séries avec du cœur. Bon, il y en a qui aiment moins, il y en a qui aiment plus, parce qu'il est connu pour avoir fait des séries, des dessins animés assez à l'esprit décalé, avec un humour parfait. parfois que certains trouvent lourd, mais qui est quand même sympa, comme ce soit les Musclors, Sportbilly, Blackstar, Brassstar, T'as le bonjour d'Albert, le Croque Monstre Show, je pourrais en citer un milliard, Flash Gordon et compagnie, mais qui était authentique. Et il était effectivement, je trouve, pas assez mis en avant, et je me suis dit, il est temps de le faire. Surtout que d'ailleurs, on parle beaucoup des maîtres de l'univers en ce moment, avec 1000 livres, CD, trucs qui sortent, hein, vous confirmerez. Oui. D'ailleurs, on a parlé longuement cette année de tous ces événements. Donc, je suis ravi de retrouver un sujet sur ce grand monsieur dans le nouveau numéro. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Exactement. Donc, ça sera sûrement l'occasion, donc, pour certaines personnes, de découvrir ce grand monsieur de l'animation. Ah là, je vous entends beaucoup mieux. Si vous pouviez plus bouger, ça serait parfait. On ne bouge plus. Ne bouge plus. Reste bien collé à ton micro. Ah, je vous dis pas comment je colle mon oreille à fond là. Je m'amuse. Et avec la chaleur, c'est chouette. Mais effectivement, ça me fait plaisir de voir toucher Meur, ça vous plaît aussi. On a rendu aussi hommage à Hiroshi Yamauchi pour Nintendo. Beaucoup de gens nous ont demandé le rétro gaming. On avait déjà prévu dès le numéro 1, mais c'était une question de place. Bah, on ne s'est pas gêné pour le numéro 2. Donc on parle de vieux jeux comme The Battle of Olympus, par exemple. Alors il y a aussi les produits dérivés. Pas mal de gens aussi nous ont dit, ah c'est chouette, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Donc on a essayé. On a mis l'interview de Cyril Marchiol qui fait des trucs incroyables. Lui aussi, c'est un passionné avec le cœur, il fait des choses formidables. Que ce soit les figurines de Naruto, de Street Fighter, de Sensei, enfin c'est des purs bijoux. Et qui valent vraiment le prix qu'elles coûtent, j'ai envie de dire. Il prépare aussi un super salon en septembre prochain, le Tsume Fan Days, que je conseille à tout le monde, sous le signe de Dragon Ball, Okuto no Ken et plein d'autres séries. Il y aura plein de surprises, mais je vais pas tout dire, je laisserai les gens découvrir sur l'interview de 30 ans et demi. Donc Tsume fait un travail vraiment formidable, je trouve, et respecte les fans. Voilà pourquoi on a eu envie aussi de parler d'eux. Au passage, je fais un petit clin d'œil. On va être là tout le temps à dire à gens, voilà, les gens nous ont fait qu'on a l'impression qu'en ce moment, tout le monde fait des participatifs. Ben, c'est vrai, ça n'arrête pas, ça se multiplie. Je tiens aussi à remercier l'équipe de Plus ou Moins Geek qui nous a soutenus, qui a toujours cru en nous dès le départ. À vous remercier, vous aussi. C'est des gens bien, humbles. Aussi, ils sont en train de lancer leur chaîne de télé. Je crois que ça se passe plutôt bien. Allez jeter un œil, c'est vraiment une équipe très très sympa. Ils font des émissions, etc. Eux aussi, ça n'a pas été évident non plus, parce qu'ils ont trouvé leur indépendance en dehors des télés, mais maintenant ça se passe sur le net. Faut continuer de les soutenir. Il y a aussi un garçon qui se bat comme un lion aussi, tout seul dans son coin, et qui mérite aussi d'être soutenu vraiment sincèrement, qui s'appelle Marin Elasti. Il fait un beau travail avec son équipe sur le projet d'animation Astérion. On n'est pas là pour parler que de 30 ans et demi. Ça me fait plaisir aussi de soutenir les collègues, les camarades aussi, qui ont cru aussi en nous, qui nous ont aidés dans les moments difficiles. Donc j'aime bien l'idée de renvoyer l'ascenseur, puisque j'ai pas la mémoire courte. Donc, Astérion, c'est un très joli projet de série d'animation. Un nouveau procédé pour créer un dessin animé, l'interactivité à tout niveau. Et vraiment, il faut aller voir ça sur Kickstarter. Forcément la somme demandée est un peu plus importante, mais c'est en même temps pour produire un épisode, oui. Voire des épisodes en plusieurs langues, donc ça ne se fait pas comme ça, et ils ont fait appel à toute la crème, les vétérans de l'animation japonaise, pour revenir à des séries comme on aimait avant, comme Ulysse 31, les Cités d'Or, avec des séries à suite, mais pas uniquement dans quelque chose de passif, parce qu'en même temps on sent des influences comme One Piece, Kill la Kill, Dragon Ball, enfin on est vraiment dans plusieurs mélanges, pas que dans le vintage, et cette quête de jeune garçon qui cherche ce poisson légendaire qui peut exaucer des vœux, moi ça me rappelle aussi Dragon Ball. D'ailleurs, il y a Dragon Ball Super qui a démarré aussi au Japon, et je tiens à dire que Dragon Ball Super, on a fait aussi une enquête, un reportage sur cette nouvelle série tant attendue, diffusée depuis le 5 juillet, qui est présente aussi sur le magazine 30 ans et demi. Voilà le genre de sujet qu'on peut retrouver entre autres. On a une interview de Hayao Miyazaki, on a eu l'extrême honneur d'avoir une interview de Monsieur Miyazaki, de Monsieur Isao Takahata, donc une interview de Miyazaki qui parle un peu de son parcours, mais surtout de son dernier film, Le Vent se lève. Isao Takahata, donc le réalisateur du Tombeau des Lucioles, est aussi du conte de la princesse Kaguya, entre autres. On a aussi cela dans le nouveau numéro. Je trouve que c'était bien de valoriser ces dieux, pour moi, de l'animation japonaise, voire internationale. On a également rencontré Joe Hisaishi, le compositeur de toutes les musiques des films de Miyazaki, mais qui a composé aussi pour le cinéaste Kitano. Voilà, on a vraiment voulu valoriser à fond l'histoire du studio Ghibli, où c'est pas encore fini. On espère que ça va rebondir et que même s'il y a des nouvelles recrues, elles seront à la hauteur de leurs prédécesseurs. Par contre, là, la barre, elle est très très haut, parce que j'ai envie de dire, de toute façon, n'est pas Miyazaki ou Takahata qui veut. Donc ça va être... je pense que ça va être compliqué, c'est pas impossible, mais on a pu voir qu'il y a des gens comme Osoda et d'autres qui sont très talentueux aussi. Voilà, faut peut-être essayer de voir les choses un peu différemment. Si on tente toujours la comparaison, à mon avis, ça va devenir compliqué. Miyazaki, en tout cas, c'est à mon humble avis, il a posé la barre tellement haut que pour pouvoir atteindre ce seuil, je pense qu'il va falloir se lever de bonne heure et quelques années plus tôt. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais à mon avis, c'est pas encore gagné. Ouais, le successeur n'est pas né. Donc voilà le genre de sujet. Aussi une interview du compositeur Vladimir Kosma, qu'on connaît pour La Boum, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Château Vallon, L'aile ou la cuisse, je peux en citer là aussi un milliard, mais qu'on connaît moins par exemple pour Binky le dragon rose, Rahan le fils des âges farouches en dessin animé, ou les fameux mondes engloutis avec les mini-stars. Nous avons voulu lui faire parler et de sa carrière, mais pas se limiter effectivement qu'au cinéma comme ça arrive souvent, mais aller creuser aussi, Mamoun le Dauphin, il a un peu bossé dessus avec Michel Legrand, sur ses dessins animés, dont lui-même a signé les musiques et nous a révélé aussi pas mal d'anecdotes sympas, que ce soit avec Sophie Marceau, que ce soit avec Pierre Richard, ou que ce soit avec les mini-stars, vous verrez, c'est très, très chouette, très bourré d'anecdotes. Pareil pour Noam, pour la rubrique que sont-ils devenus. On était dans les 40 ans de Goldorak. Là aussi, on a une grosse interview parcours de Noam, qui est connu surtout pour la chanson de Goldorak, mais ce serait vraiment le limiter. Il a fait les Entrechats, vous savez, vous en passez, les Popples, c'est tellement d'autres chansons que ce serait dommage de le limiter à ça, et même du Pocahontas pour Disney et tant d'autres génériques comme Code Lyoko en version américaine. Là aussi, on a voulu aller un petit peu au-delà de simplement Goldorak, quoi, de pousser un petit peu le l'interview entre guillemets, quoi. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. C'est, comme vous le voyez, c'est complet. Musique, produits dérivés, jeux vidéo, comics, manga, high-tech, il y avait une petite touche sexy aussi. Ah ah, pour Eddie, la petite touche sexy. Non, c'est pas le truc. Comment ? La petite touche sexy pour Eddie. Non, c'est pas le truc qui m'intéressera le plus, mais bon. Bon, ben, je prendrai pour moi, alors, petit truc sexy. Voilà, prends-le pour toi. Oui, donc ça s'adresse vraiment à un public de nostalgiques, mais aussi à tous les publics finalement, pour les plus jeunes qui vont découvrir. Oui, c'est important finalement de ne pas le laisser que sur la nostalgie, parce qu'on ne s'interdit pas du tout. On l'avait fait avec Walking Dead dans le premier numéro, de parler de Game of Thrones, de choses actuelles. Kaamelott en est la preuve aussi. Le but, c'est effectivement, il y a le passé, mais il y a aussi le présent, il y a l'avenir. C'est surtout de rester avec un compteur coincé dans les années 80 et faire plaisir encore à des gens qui vont gratter du papier en disant les ados attardés, machin, nanan, comme on a dit mille fois. C'est aussi, je pense, c'est ça d'ailleurs qu'on n'avait pas appelé le magazine des adolescents, hors de question. Voilà, c'est plutôt aussi les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant, c'est moins péjoratif. Un bon moyen, je pense, pour les jeunes de découvrir, par exemple, ces fameuses années qu'ils n'ont pas connues et peut-être, pourquoi pas, avoir des nouveaux coups de cœur. Ça arrive souvent aussi. Donc... Et pourquoi pas, parce qu'il y a plein de vingtenaires là, qui viennent un petit peu nous en parler par rapport à Kaamelott, mais au contraire. Bah, c'est vrai qu'on nous en a parlé parfois, pas souvent, que le titre est un peu enfermant, c'est complexe là aussi. Bah, 30 ans et demi, effectivement, on a l'impression que pour certains, ça fige et donc c'est pas pour le public d'en dessous, c'est pas pour le public d'après. Comme indique le titre, 30 ans et demi comme quand on avait 7 ans et demi, 8 ans et demi, quand on était gamin, on disait, on mettait les demi, c'est le clin d'œil, vous l'avez compris à l'enfance, mais on était obligé, parce que là aussi, quand on a démarché, on a vu les professionnels, tout le monde nous a demandé de marketer à mort le truc, quoi. Il faut cibler, il faut marketer, il faut pas avoir une cible trop large. Le problème, c'est qu'on peut avoir une idée de, on veut viser un maximum de monde, ou devenir un jour, pourquoi pas, un magazine, entre guillemets, plus familial dans 30 ans. C'est de 18, on va dire. Et plus, pas en dessous de 18, mais en tout cas pour tous les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Après, c'est 30 ans, donc 30 ans et demi, 30 ans et plus, hein, ça veut dire ce que ça veut dire aussi derrière. le champ est large, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais je comprends que ça vexe, que ça puisse, pour certains, bah ouais, mais moi je suis cadra, alors c'est pas pour moi ce machin là. Bah oui, mais on peut parler aussi du manège enchanté ou d'autres, ah, mais moi j'ai la vingtaine, moi c'est plutôt Pokémon ou Yu-Gi-Oh ou je sais pas quoi, donc ça doit pas... Non, au contraire, on n'est pas fermé, mais il fallait quand même, dans l'essentiel de la cible qu'on a étudiée, comme c'est souvent des trentenaires qu'on parle, que ce soit les psychologues, les marketeurs, ceux qui, et puis d'après les sondages, les chiffres, parce qu'on s'est coltiné tous les livres, documentaires, magazines existants sur la question, sujets de thèse et compagnie, on a vraiment mâché ça pendant des années, je me suis coltiné des livres, des pages, des heures entières, tout ça, pour bien comprendre que la cible, disons, principale était quand même les trentenaires. Donc d'un côté, c'est difficile de contenter tout le monde, mais la cible principale est là. Alors il y en a d'autres aussi, les cadres, etc. Mais le plus gros du public est là, donc il fallait quand même le cibler, même si effectivement, et c'est pas simple de trouver aussi un titre plus global, on en a essayé mille, mais c'est ça rime à rien, c'est un peu trop vague sur la culture geek ou les cultures imaginaires, donc et comme en même temps, faut quand même aller dans ce cœur de cible, qui est là où est le principal, alors c'est un bien grand défi. Disons qu'il y a des projets comme ça, ils restent trop ciblés. Il y a des projets parfois, je nous le souhaite, mais on est loin d'être là. Déjà, si on arrivait tout simplement à faire fonctionner ce premier numéro sur la cible qu'on vise, ce serait déjà formidable. Il ne faut peut-être pas péter plus haut que son cul. Mais à long terme, on a vu des projets comme ça parfois devenir des projets un peu plus familiaux, transgénérationnels, entre guillemets. Si ça pouvait devenir le magazine des 18 à 77 ans, en façon de parler, j'adorerais. Mais ça, c'est que sur le long terme. Mais on a été obligé de scinder. Là aussi, c'est une question qui est revenue souvent, parce que on a connu des barrières, et si on aurait voulu proposer quelque chose de plus large, déjà qu'on a du mal avec parfois les investisseurs, les commerciaux, les échanges qu'on a autour de nous, ce serait encore plus difficile de faire vivre le mag, parce que vous avez aussi l'avis contraire, mais on va vous dire « Ah oui, mais c'est large, donc c'est bien, oui, mais vous visez tout le monde et personne en même temps. » Alors, faut pouvoir cibler, mais quand on cible, donc ça fait pas plaisir aux uns, et quand on fait trop large, vous entendez sans arrêt « Oui, bah pourquoi j'investirais ?»« Ah oui, mais pourquoi ?»« Oui, mais c'est trop large, alors bon. » Alors donc, à un moment donné, on doit faire des compromis, comme je dis, entre les lecteurs qui suivent et entre aussi les professionnels. Comme je dis, on est souvent l'interface, donc on est tiraillé, on nous fait des remarques d'un côté, elles plaisent ou elles plaisent pas, on nous fait des remarques de l'autre, mais il faut sans arrêt trouver cette espèce de balance et d'équilibre pour essayer de contenter chacun, même si je comprends que chacun ait une idée différente sur la question. Maintenant, d'autres aussi nous disent que le titre fonctionne très bien. Bon, on verra, cela vient nous dira. Si on peut toucher plus large, bah évidemment, on ne va pas être hypocrite, on ne s'en plaindra pas, mais chaque chose en son temps, en toute humilité. Alors est-ce que ce coup-ci, on le trouvera facilement? Est-ce qu'il sera bien dans tous les libraires, bien mis en avant, dans un bon endroit, qu'on n'aura pas à le chercher dans les confins? Ah, je reconnais la remarque là, d'Arfongène dans la première interview qu'on avait faite, mais qui est légitime. Bah, alors, comme je vous disais, je ne manie pas la langue de bois. Ce serait vous mentir que, comme je disais tout à l'heure, ce serait totalement contradictoire. Et de toute façon, je ne serais pas crédible. Une seconde, si je vous disais qu'on a un tirage de la mort qui tue, ça va pas avec le fait qu'il a fallu que je monte une boîte avec une petite équipe. Donc forcément, c'est pas un tirage genre gros canard, etc. Bon, un tirage de feu de Dieu. Parce que si c'était ça, on l'aurait fait depuis longtemps. Voilà. Mais jusqu'à présent, il a fallu faire avec un petit moyen. On avait déjà un tirage tout à fait honorable avec notre premier éditeur. On a essayé de rester sur ce genre de lignée de tirage, disons, honorable, ni trop, ni pas assez. On nous trouvera sur les kiosques principaux de France, les relais de gare, bien évidemment. Certaines librairies, mais moins, pas spécialisées livres, hein, plus spécialisées presse, hein, ça va de soi, certains. Donc, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait assez de magazines. Je ne sais pas si on peut compter par à peu près de l'ordre de 4 par chaque librairie. Je ne dis pas non plus que c'est sur toutes les librairies, je ne manie pas la langue de bois. Il y aura certaines régions, peut-être un peu moins. De toute façon, là aussi, il a fallu faire un compromis avec, j'ai envie de dire, les moyens qu'on a. Évidemment, on serait pété de blé, vu que c'est pas ça en tout cas, en ce qui me concerne, qui est une obsession première, si je voulais me faire plaisir, si je pouvais faire, évidemment, plus on est diffusé, j'en mettrais partout, puisque c'est un plaisir pour moi, avant tout. Malheureusement, je les ai pas. Donc, parce que c'est une logique dans la presse, plus on tire, non seulement c'est moins cher, en plus, au final, ça c'est un truc que les gens ne savent pas forcément, et forcément, c'est tentant, mais plus on tire aussi, enfin, c'est moins cher, dans le sens où on a plus de lisibilité, finalement, c'est plus avantageux, même en termes de prix. Et pour l'impression aussi, pour la distribution, c'est beaucoup plus... on s'y retrouve plus financièrement. Mais, c'est pareil. Encore faut-il les avoir à la base. Donc, on a essayé de trouver un compromis, mais normalement, j'ai veillé au grain, j'espère, et ça aussi, il faut faire confiance aux libraires, nous avons veillé au grain, ça devrait être logiquement, je dis bien logiquement, j'espère, mieux, je ne sais pas si c'est le mot mieux, mais on essaie de faire attention à ce que ce soit bien réparti, je ne veux pas dire mieux ou plus ou moins bien que la dernière fois, parce que, mine de rien, sans jeter la pierre aux libraires, ils ont aussi un rôle super important là-dedans. Et mettez-vous à leur place, ils se retrouvent avec des magazines en France, et c'est formidable, au niveau culturel, on n'a pas à se plaindre, hein. On est toujours là en train de râler, oui, la crise, machin, etc. Mais à ce niveau-là, bon, à part parfois où quelques trucs sont coupés et on se plaint, on a encore, heureusement, au niveau culturel, pas mal de choses. Et en termes de magazines, on est gonflé de tout cela. D'ailleurs, on s'est rendu compte, après les chiffres, que même en Belgique, ils appréciaient pas trop mal 30 ans et demi, on était très surpris, si jamais des Belges nous entendent, du succès que ça a eu. J'irais presque dire presque plus qu'en France. Je dis bien presque plus. Mais là aussi, comparons ce qui est comparable. Est-ce qu'il y a autant de titres? J'en sais rien, je ne suis pas en Belgique régulièrement, je ne vais pas parler d'un truc, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est noyé de magazines à Paris de tous les genres. Donc là-dedans, là aussi, jeter la pierre au libraire en disant « Ah ouais, il l'a pas foutu au bon endroit, il a foutu ça à côté de Bisounours Magazine ou je sais pas quoi, il n'a pas compris le truc alors que c'est un truc pour trentenaires, mais c'est pas pour les mômes, ou etc. » Je dis pas que tous vont le faire, mais ils en ont tellement tous les côtés, donc faut trouver le bon endroit, le placer et tout. C'est pas évident dans tout ça. Donc je suppose que dans la presse, il va y avoir aussi un écrémage. De toute façon, il se fait naturellement, parce qu'avec la crise, il y en a tellement qui se cassent la gueule des magazines. Mais on espère quand même que c'est pas complètement négatif. Il paraît qu'au niveau de la courbe, ça devrait repartir cette année et l'année prochaine, d'après les sondages, devrait repartir. Alors qu'il y a encore un ou deux ans, on entendait partout, la presse est définitivement morte, la presse est foutue, la presse... Donc là aussi, on réfléchit à d'autres méthodes, à avoir aussi... des applications smartphone, d'autres choses. Mais là aussi, on nous pose souvent la question qui peuvent être complémentaires et pas concurrentielles de la version magazine. Mais là aussi, je vais me répéter, c'est encore une question de blé. Bien sûr, on veut bien, on n'est pas contre. À long terme, nous, le but, c'est d'avoir un magazine multimédia, de l'avoir sur plusieurs supports. On y réfléchit, bien évidemment, mais il faut déjà qu'on regarde ce qu'on a devant nos pieds. On a déjà le site aussi à reconstruire. Donc oui, dans l'absolu, oui. Mais il faut faire chaque chose en son temps. Donc le site, je tiens à le préciser aussi, l'ancien nom de domaine ne nous appartient plus. On a voulu changer, de toute façon, c'est mieux ainsi. Donc pour l'instant, il est en reconstruction, c'est 30 ans et demi lemag.fr. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien, puisque c'est le temps de mettre la machine en place, mais on va refaire tout ça. Mais il était important pour faire la distinction entre le premier éditeur et le magazine actuel. Pas mélanger les choses. Là aussi, pardon, hein, je fais une petite courbette, mais on nous a dit, ah oui, mais pourquoi nouveau numéro 1? Je comprends pas, il y avait un numéro 1, et c'est normal, toutes ces questions, je me serais posé les mêmes, moi, comme n'importe qui, donc elles sont légitimes, et on y répond. On a eu un numéro 1. Le numéro 2 serait sorti tout de suite 3, 4, 5, 6 mois derrière. Et encore, déjà, ça fait beaucoup. On va dire, ça fait pas sérieux. Bon, en ce moment, de toute façon, j'entends partout, ah oui, mais c'est pas sérieux, Mais en même temps, je connais plein d'autres magazines de cinéma, plein d'autres magazines mieux placés qui ont plus de blé aussi. Et avec la crise de la presse, ils sortent quand même jamais complètement à l'heure non plus. Donc, il y a sérieux et pas sérieux. Donc, dans un monde de crise, qui est le plus sérieux, finalement? Donc, tout ça, ça me fait parfois un peu sourire, parce que la question du sérieux, dans ce cas-là, elle est bien relative, hein. On pourrait débattre 3 heures. Bref. Ça, c'est l'image. Et donc, là-dessus, ça serait arrivé tout de suite derrière, et donc, c'est logique d'être le 2. En même temps, toutes les difficultés de créer la société, de remettre tout ça en place et tout, bah, comme je disais tout à l'heure, ça a mis presque 2 ans. Donc de toute façon, on ne pouvait plus être un numéro 2. Et puis pour aussi, en toute franchise, ne pas mélanger avec notre ancien éditeur, mettre en avant notre nouvelle société d'édition, ce sont deux noms différents, deux boîtes différentes, deux esprits différents, on voulait éviter de créer trop la confusion. Donc le parti pris a été, le titre reste évidemment le même, il fonctionne bien, moi j'avais tout déposé dès le départ, j'ai déposé le nom, la marque, le concept, tout ça, parce que je suis quelqu'un de prudent dans le milieu audiovisuel, mieux vaut, hein, on sait jamais, voilà, mais donc la base elle est là, l'esprit, la maquette, etc., il y a des petites choses qui ont changé, mais plutôt, enfin, c'est pas à moi de le dire, j'espère en tout cas, c'est pas à moi de le dire dans le bon sens, ça c'est les lecteurs qui jugeront, c'est pas à moi de le dire. Je suis trop mal placé pour ça, voilà, donc c'est devenu un nouveau numéro 1, le prix est à 5,95, là aussi pas de langue de bois, il y a 1 euro de plus, mais en même temps, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous écoutent sans doute, il y a des gens qui nous connaissent, donc il faut que ça parle aux deux, ça a été ça aussi la difficulté de l'édito. Parce que tout le monde, loin de là, on n'est pas mégalo, faut pas être prétentieux, après tout, qui connaît vraiment 30 ans et demi, à part... C'est pas pour être désobligeant, une poignée de geeks à travers la France ou de grands enfants, etc. On a un Facebook, modestement, c'est pas non plus 1 milliard de personnes. Faut pour un moment savoir où on met les pieds, rester humble. Donc, évidemment, si on veut toucher aussi le nouveau public, il a fallu donc trouver ce compromis pour s'adresser à tout le monde. Donc, 1 euro de plus, pourquoi ? Bah, aussi parce qu'à la base, pour vous le dire franchement, on pensait qu'on sortirait tous les 2 mois, et on espérait qu'on sortirait tous les 2 mois. Bon, on a eu une scission avec notre éditeur. La réalité de la presse nous rattrape, la prudence aussi. On est une petite structure, donc on n'est pas pété d'argent, donc on a trouvé ça plus juste de le sortir tous les 3 mois et de jouer la prudence, comme beaucoup de magazines en ce moment, avec ce marché qui est ce qu'il est. Mais en même temps, forcément, ça fait produire plus de pages, ça coûte donc beaucoup plus cher pour l'impression. D'ailleurs, vous verrez, la qualité du papier est bien meilleure, que ce soit la couverture ou l'intérieur. De ce côté-là aussi, j'ai tenu à vraiment faire plus qualitatif. J'ai horreur des trucs qui ressemblent à du PQ où on peut rien voir, enfin bon bref. Et donc, voilà, donc là aussi on a mis le paquet, mais forcément, à un moment donné, il faut qu'on s'y retrouve aussi. Donc il était nécessaire d'augmenter d'un euro, mais en même temps, au lieu de 84 pages, comme je le disais, on se retrouve avec 100 pages, et c'est sur 3 mois. Donc après, c'est aussi un effet psychologique quand les gens achètent. Parfois, on se dit, ah ouais, 5-6 euros, c'est peut-être un peu cher, mais tout dépend. Si on considère qu'on l'achète pour le mois, pour les 2 mois, ou qu'on se dit, oui, mais j'investis 6 euros, mais en même temps, c'est pour 3 mois. Donc bon, si on imagine que c'est divisé par 3, là aussi, chacun a sa façon de faire, etc. Maintenant, pour certains, c'est trop cher, pour d'autres, ça l'est moins. Mais encore une fois, je comprends tous les avis, hein, chacun comme il peut et comme il veut. Mais encore une fois, nous-mêmes, on doit s'y retrouver aussi. Sinon, à un moment donné, si on met un truc à 3 euros, qu'on a déjà du mal à s'y retrouver, comme je dis, on peut travailler aussi indéfiniment et bénévolement. On a vu des remarques sur Facebook, oui, maintenant, il y a des trucs gratuits, alors pourquoi acheter ? Des fois, ça m'agace, ce genre de... alors forcément, pourquoi payer quelqu'un ? Bon, dans ce cas-là, on paye plus personne et il y a tout sur Internet. C'est triste, parfois, d'entendre ça. Pareil pour la musique et tout. Mais où on va, comme ça ? Où on va ? Donc, à un moment, faut bien que chacun s'y retrouve, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il y aura un truc pour s'abonner, pour soutenir le magazine ? C'est une bonne question. Mais oui, on me la pose souvent et je vous remercie de la poser. De la poser, voilà. Je fais pour ça. Alors, ça revient souvent. Là aussi, je me bats depuis le début parce que, comme je disais, ce qui a changé, c'est que je suis passé donc rédacteur-chef et en même temps, je suis directeur publication. Donc, j'ai la double casquette. Donc, j'ai ces réunions régulièrement avec les MLP, donc ce qu'on appelle les messageries de presse, pour voir comment tout ça se passe, évolue, etc. On évoque tout ça, mais bien sûr que tout ça, ça se met en place tout doucement. C'est-à-dire que bien sûr que on espère le plus rapidement possible. Il devient impensable de pas avoir, des magazines par correspondance, parce que il n'y a pas que le public parigo, il y a la province, et puis il y a aussi plein de bleds, j'ai envie de dire, plein d'endroits. Où on aimerait aussi être présent, c'est-à-dire des territoires francophones. Je vais répondre à la question, donc que ce soit aussi la Belgique, la Suisse, l'Europe idéalement, mais chaque chose en son temps, ça aussi ça revient souvent, on nous pose souvent la question. Mais pour cela, voilà, il faut que toujours la même règle, c'est ce qu'on me répète souvent, donc moi aussi je me bats, bien sûr que comme vous, c'est forcément, ça fait partie des premières questions, hein, j'aimerais bien, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, mais vous savez, monsieur Pasquale, bon. Alors, là-dessus, faut attendre encore, je dirais peut-être encore 1 ou 2 numéros, voir comment ça se passe, parce que la règle en général, c'est toujours les 3 premiers numéros d'un magazine. Ou au moins un deuxième, on aura au moins un peu plus que la tendance, parce que c'est long à mettre en place, c'est à partir en général, hein, je parle bien en général de 3 numéros qu'on arrive à peu près à voir si un magazine va tenir la route ou pas, qu'on commence à tomber un peu dans ses frais. Là je parle en général quand la presse fonctionne à peu près normalement. C'est pour ça que je mets peut-être beaucoup de a priori, mais en même temps, cette crise fait qu'il est très difficile de se projeter. C'est difficile de dire, oui, ça sera dès le numéro... je parlais bien en général. Maintenant, vous ajoutez le fait que c'est la crise, c'est pour ça que je mets les guillemets, parce qu'on dit un truc, si on le réalise pas après, on s'en prend plein la tronche, donc maintenant, je mets les guillemets. Donc, si ça se passe bien, si les ventes, encore une fois, on va se répéter, hein, ça fait peut-être... mais on le dit jamais assez, c'est pour ça qu'on demande de partager sur Facebook, c'est pour ça qu'on demande de propager l'info. Je suis conscient que parfois ça doit casser les pieds aux gens, de dire, eux, nous ou d'autres, ils sont toujours en train de répéter leur... le nerf de la guerre, il est là. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous, c'est ainsi. Donc plus ça sera propagé, cette info de ce nouveau magazine pour ce public, en plus ça n'existe pas sans prétention de magazine vraiment dédié aux adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. C'est notre génération, c'est même plusieurs générations. C'est un état d'esprit aussi de rester un peu un grand enfant dans la tête sans que ce soit péjoratif forcément ou mal interprété, de pas trop se prendre au sérieux, de garder un peu une part de rêve, mais tout en ayant les pieds sur terre. Pour moi, ça jamais, enfin, j'ai jamais trouvé que c'était incompatible. Et je pense qu'on est nombreux à le penser. Et j'aime bien l'idée qu'on ait un magazine générationnel, ou on va dire multigénérationnel. Je pense que c'est même pas qu'une question d'âge. Je pense que c'est plus un état d'esprit. Voilà, alors les auditeurs, quel que soit l'âge finalement. Les auditeurs demain, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà, pour ça ou pour les ventes par correspondance, on espère très vite en fonction du résultat, et pour être distribué Belgique, etc., autres territoires francophones, pareil, ça va dépendre des ventes du j'allais dire du 2, vous voyez, il y a les mauvais réflexes, du 1, du nouveau 1, je sais pas comment le dire, de la nouvelle formule, je vais y arriver. Et on espère très très très vite, du fond du cœur, parce que des fois ça me fait de la peine de me dire, voilà, il y a telle personne sur les îles, là, à tel endroit, qui nous dit tellement de bien, j'adorais, mais pour l'instant je suis bloqué, je peux pas, enfin, nous ne pouvons pas le faire, voilà, pour l'instant. Le temps s'étiole, malheureusement, il ne reste plus qu'une poignée de minutes, mais vraiment une toute petite poignée. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire, à part, bien sûr, acheter le magazine dès demain. Oui, demain, tous les auditeurs, déjà. Hein. Oui, parce que là, tu entends, acheter, oui, tous à la librairie pour découvrir le nouveau numéro, la nouvelle formule de 30 ans et demi. Bien entendu, on restera à l'écoute de ton actualité tout au long de l'année prochaine, et on continuera à parler de cet excellent magazine auquel on souhaite longue vie, bien entendu. Longue vie et prospérité. Bah, longue vie à vous aussi. En fait, dans l'idée de 30 ans et demi, là aussi, c'est s'avancer un peu. On n'arrête pas de dire, oui, il faut se freiner, voyons la réalité. Bon, mais comme je disais, bien sûr, on les voit, la réalité, mais bon, si à chaque fois on commence à tous, comme j'entends souvent parfois des rabat-joie, oui, mais tu comprends, oui, mais ça c'est impossible, oui, mais tu sais, en ce moment, dans le marché, oui, moi ça me gonfle. Au bout d'un moment, je veux bien, mais bon, on a déjà assez d'ondes négatives avec notre réalité actuelle, on n'a pas besoin d'en rajouter plus, je veux bien entendre, mais au bout d'un moment, ça, je bouche les oreilles, je continue. Sinon, on n'en finit plus, on déprime très vite. Donc, dans cette même perspective, même si ça y est pas, on a aussi des objectifs avec 30 ans. Faut pas tous les dévoiler, parce que dans ce cas-là, il y a plus d'intérêt, il y a plus de charme, j'ai envie de dire, c'est un bien grand mot. Mais à long terme, on aimerait, on nous l'a demandé souvent, faire aussi. C'est pour ça que je tiens, si les gens nous entendent, c'est pas et pour le magazine, mais aussi pour se faire plaisir tous. On a l'idée, vous voyez là, on a de quoi faire du 100-200 pages de Sonic, de Mario Bros, de Alexandre Astier, de Game of Thrones, etc. On aimerait aussi faire des gros hors-série. Vous savez, c'est une espèce de système de MOOC, comme entre le beau livre en même temps, et entre la presse, et on a un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises, ça donne des livres un peu souples, comme au Japon, mais de qualité, qui coûtent beaucoup plus cher à produire. Et moi, c'est un de nos rêves. On adorerait, idéalement, que tôt ou tard, mais on n'y est pas. Encore faut-il déjà que le premier fonctionne, bien sûr, on en est conscient, on va pas se répéter. Mais à long terme, que ce genre de choses puisse exister aussi, des hors-séries autour de 30 ans et demi, bien spécifiques sur tel ou tel sujet, puisque, comme vous le savez, la plateforme cinéma, séries, jeux vidéo, elle tourne, hein, manga, produits dérivés, high-tech, etc. Donc le réseau est très large, et on adorait qu'il y ait ce genre de compléments. On a été approché aussi pour d'autres bricoles, mais ça je peux pas en parler, c'est beaucoup trop tôt. D'autres variantes autour de 30 ans et demi, dans d'autres styles, d'autres esprits. C'est plutôt sympa, en théorie du moins, ça fait déjà 2 ans qu'on nous le propose, d'autres déclinaisons, pas forcément en magazine, peut-être dans d'autres styles. On y réfléchit, mais on essaye d'aborder ça sereinement parce qu'il faut déjà sortir le premier. Donc oui, il y a des envies, il y a même plus que des envies, il y a déjà des gens qui s'intéressent aussi à ça, mais c'est comme d'habitude. Nous, on se mouille, on va voir ce que ça va donner, les autres y croient, d'autres y croient plus, d'autres y croient moins, et ceux qui y croient ou qui ont envie aussi de, pourquoi pas, nous aider à investir sur d'autres variantes, j'ai envie de dire, de 30 ans et demi, qu'elles soient presse, j'en sais rien, j'ai une bêtise, radio ou autre de 30 ans et demi, ça serait formidable. Mais ne soyons pas trop gourmands, on a le droit de rêver. Ça serait faux de dire qu'on n'a pas été approché pour ça, on l'a été même plusieurs fois. Mais encore une fois, pour que ça puisse devenir 30 ans et demi un projet multimédia, on va se répéter, ça fait un peu donner, mais très sincèrement, il faut nous aider, nous soutenir et tout. Et encore une fois, on n'est pas là juste pour absorber du fric, et non, c'est pas le but. On a envie de nous faire plaisir. Donc s'il y a suffisamment d'argent dans la caisse, entre guillemets, bah déjà, on pourra vous offrir à chaque fois plus un magazine de qualité. Il faut qu'on en vive suffisamment, sans se goinfrer, mais il faut aussi, de l'autre côté, qu'il y ait un retour. Donc pour moi, c'est ça. On m'a appris le respect, j'ai envie de dire, on nous a appris à être respectueux des autres. Comme je dis, c'est peut-être un peu des magots, ou ne fais pas aux autres, t'aimerais pas qu'on le fasse. Personne n'est parfait, ça peut nous arriver à tous de faire l'un ou de faire le contraire parce qu'on est humain et que la fatigue, les choses font que des fois. Mais globalement, idéalement, c'est dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que si les gens nous le donnent, on a envie de le renvoyer. C'est le cœur qui parle, c'est une passion. Donc si ça nous aide de ce côté-là et qu'on en finit par en bouffer, entre guillemets, forcément on aura envie de proposer de plus en plus, toujours, une qualité constante ou d'autres choses autour, en tout cas de se dépasser pour être à la hauteur des gens qui nous respectent et nous aiment. Donc, voilà. Donc merci à tous jusqu'à présent de nous avoir aidé, respecté. Et puis je remercie même ceux qui nous détestent. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on va se revoir à la rentrée. Parce que ça fait aussi avancer, ça fait réfléchir. Voilà. Finalement. On a le droit de ne pas plaire à tout le monde, il n'y a aucun problème. Voilà. On se donne rendez-vous en septembre pour que tu nous dises un petit peu les premiers retours, si ça marche bien, s'il y a des projets qui se concrétisent et tout ça. Et puis bien sûr, demain en librairie. Bah voilà. Parce que c'est l'heure maintenant, on est obligé malheureusement de rendre l'antenne. Et puis en tout cas, on te remercie donc pour. Et s'ils peuvent venir nous voir sur le Facebook, si vous voulez bien redonner le Facebook, ce serait sympa. Facebook / 30 ans et demi, le 30 en numéro, le an et demi, tout attaché, il n'y a pas d'espace. Tout à fait. Voilà, vous avez bien noté. Et voilà. Ça marche. Rui, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, bien entendu, on continuera à parler. Non, c'est moi qui vous remercie d'avoir supporté un long monologue. Merci. Toute l'année, comme on l'a fait, on continuera à supporter ce super magazine et tous demain, donc en librairie, pour découvrir cette nouvelle formule. Voilà, pour se régaler. C'est gentil. Merci beaucoup. Infiniment. À bientôt. Au plaisir. C'est moi qui vous remercie, sincèrement. Allez. Merci, bientôt, vous êtes adorable. Ciao, à plus. À bientôt, au plaisir. Donc voilà, bah, nous aussi, on va vous dire à bientôt, au plaisir et tout le tralala. C'est les vacances. C'est les vacances. Donc on va, parce que je ne sais pas si vous savez, mais alors, ces dernières semaines, on a vraiment littéralement crevé de chaud pour vous. Donc je crois qu'on a bien mérité de rester un petit peu chez nous. Il fait beaucoup plus frais qu'en studio. Donc, on vous donne rendez-vous en tout cas à partir du 16 août. Hein, pour, je ne sais pas si on viendra au 16 août, s'il fait chaud comme ça. En tout cas, à la rentrée pour la nouvelle saison de saison de Génération Manga. Voilà. 11e saison. 11e saison et on fêtera la 500e au milieu de cette saison parce que ça sera la 490e voilà. Épisode. Et l'année prochaine, on a plein de surprises et ça va dépoter grave. Voilà. Beaucoup d'actu, beaucoup d'exclus, beaucoup d'interviews, enfin tout un tas de trucs. Il faudra nous suivre, bien entendu. Ça va partir sur les chapeaux de roue début septembre. Alors soyez au rendez-vous. Voilà, et ça sera pas un arsnaf. Nigo. Allez, bonnes vacances. Ciao.